Morceau numéro 5. Au travail, j'en fous pas loup, pour la raison que je ne suis pas dans l'art. Travail, j'en fous pas un loup, pour la raison que je ne suis pas dans l'art. Salut, c'est Comme une oreille de Radio Zinzine. Et l'émission de musique sous licence libre du mois, c'est sur la thématique du travail, comme vous avez pu l'entendre. Tous les morceaux vont parler de travail. On va commencer par un morceau d'un guitariste américain qui s'appelle Andy Cohen. Le morceau s'appelle Worky Worky. C'est parti. C'était Andy Cohen, un morceau qui s'appelait Worky Worky et qui est diffusé sous licence Creative Commons CC BY. Ça veut dire qu'il donne la possibilité à n'importe qui en fait, de faire ce qu'il veut avec, avec sa musique, en tout cas avec ce morceau-là, simplement en lui attribuant la paternité. Et effectivement, là, on voulait revenir un peu sur ce que c'est que ces licences libres dans la musique. C'est par rapport aux droits d'auteur ou au copyright communément admis et enfin qui sont mis par défaut sur la musique. Même si un musicien n'est pas inscrit à la SACEM, sa musique est forcément diffusée sous le régime du droit d'auteur français pour un français, ou du copyright américain si il est ailleurs, ou des droits spécifiques à chaque pays qui sont en général très restrictifs. Les licences libres, elles, par contre, permettent de base forcément la libre diffusion, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acquis une musique, que vous l'ayez achetée ou qu'elle ait été diffusée gratuitement, peu importe, vous avez le droit de la diffuser. Donc de la prêter à vos amis, de la passer à la radio, de la passer en soirée, et de la mettre sur internet, de la diffuser tout simplement. Alors dans les faits, ça change pas grand chose pour la musique aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui sont sur internet et qu'on peut écouter directement en streaming ou quoi. Mais par contre, là, le droit est vraiment... l'artiste décide réellement donner le droit de libre diffusion de sa musique. Ce qui change la donne quand même au niveau légal, quoi. Et par contre, il y a plein de licences différentes. Les artistes décident pour chaque morceau de donner des droits, d'ouvrir plus ou moins les droits de possibilité d'utilisation de leur musique. Donc celui de base, c'est la libre diffusion, et après, ça peut aller jusqu'à la libre exploitation commerciale, la libre faire des musiques dérivées, donc du sample, ou reprendre la musique et en faire une autre adaptation. Et donc chaque morceau a une licence, et là, pour Andy Cohen, Worky Worky, c'était une licence très très ouverte et très permissive, qui demandait juste à ce qu'on dise qu'au départ, c'est Andy Cohen qui a fait ce morceau-là. Là, on va enchaîner avec un autre petit morceau. Tu veux dire quelque chose? Ouais, juste pour compléter ce que tu disais, que c'est vrai qu'on parle souvent dans l'émission de libre droit de diffusion, et peut-être c'est même si c'est une fonction non commerciale sans droit, comme tu l'as expliqué, que on a plutôt souvent le logo CC, Creative Commons, donc à utiliser plus largement, mais comme tu dis, il peut avoir des restrictions, quoi. En général, moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est quand même que les musiciens ou les groupes la veulent pour une utilisation non commerciale, donc pas se faire de l'argent sur leur dos, ce qui peut se comprendre. Mais après, voilà, il y a des gens qui vont la permettre à une large échelle, et après, il y en a qui veulent pas sampler ou réêtre utilisé. C'est de ça qu'on va parler, quoi. Mais sachant qu'en tout cas, voilà, ils demandent pas de payer pour pouvoir l'utiliser, quoi. Souvent, ce qu'est le truc de la SACEM, on va pas rentrer dans le discours de la SACEM, mais la SACEM, où souvent, ils récoltent des droits qui sont redonnés à des gens déjà qui ont énormément d'argent ou qui postulent, quoi, qui est une vraie société de ressources financières pour la musique. Oui, l'idée au départ était bonne, mais la redistribution est plutôt mal faite en général. Du coup, c'est une certaine forme de militantisme, en fait, ces licences libres. On enchaîne avec une petite virgule là, d'un musicien qui s'appelle Steve Combs et qui fait des musiques qu'on appelle souvent easy listening, des musiques de supermarché. Et là, c'est une musique quand il sort du travail, il est très content de sortir du travail, visiblement. Thank you. Ok, c'était Krestovski, donc un groupe. Ils viennent d'où Krestovski? Ils viennent des États-Unis et ils font du folk punk, comme vous avez entendu, des guitares, des kazoos, tout ça. C'était un morceau qui s'appelait I Worked All Night. Hippie, tu l'as dit. Oui, j'ai dit hippie, un petit peu scout. Et la licence de ce morceau-là, pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, là, ils demandent à ce qu'on leur attribue, si on modifie ou qu'on diffuse, on leur attribue la paternité, toujours, une utilisation non commerciale, et s'il y a produits dérivés, resampling ou quoi que ce soit, que ce soit diffusé sous les mêmes critères qu'eux avaient choisis pour le morceau original. Et on enchaîne toujours dans une veine folk avec un très très chouette groupe qui s'appelle Talons, qui vient de l'Ohio. Et le morceau s'appelle Had to Work. C'est sur le label des Archives internationales de musique populaire, donc un vieux disque d'un chant qui a visiblement été enregistré dans les années 30, donc un enregistrement ethnographique qui vient de Guinée française, ce qu'on a appelé le Soudan après. Voilà, c'était un morceau qui s'appelait Chant du travail. Et on enchaîne là maintenant avec un autre morceau. On change de style musical avec un morceau post-jazz, post-punk qui s'appelle No Work Today. On est donc sur la thématique du travail, vous l'avez bien entendu, en musique libre. Ne pas travailler aujourd'hui pour les noms anglophones. Il y en a qui ont travaillé pour enregistrer tout ça. Thank you. À l'instant, on vient d'écouter The Nomen, un groupe anglais qui vient de sortir de cet album, enfin ce morceau-là, dans un album qui s'appelle If Not Why Then When. Si ce n'est pas pourquoi, alors quand? En 2016, hein, en janvier 2016, c'est un groupe donc anglais de rock garage. Le morceau s'appelle Life's a Full-Time Job. La vie est un travail à plein temps. Et le morceau est diffusé sous licence Creative Commons avec seulement les droits de paternité demandés. Et juste avant, on écoutait un musicien américain qui s'appelle Ton Poets, un morceau qui s'appelle No Work Today, issu de l'album Treble. Et la licence demande la paternité, une utilisation non commerciale et un partage à l'identique des droits. Quand tu dis le droit de paternité, c'est de citer la source de l'auteur et le titre, c'est ça ? Exactement ça. Et on enchaîne avec un petit slow de rock. Voilà. Ça s'appelle Between Work and Sleep, entre le travail et le dodo. Et c'est When Ships Collide qui chante ça. Donc on vous invite à faire une pause si vous êtes en train de travailler. Thank you. Shorthand Phonetics et qui vient de Jakarta en Indonésie. Ils ont enregistré ça l'année dernière. Et ça a l'air en tout cas d'être bien influencé par le punk californien qu'on appelait skatepunk. J'ai beaucoup écouté dans ma jeunesse. En tout cas, ça fait des bons souvenirs. Oui, moi aussi. Et c'est un morceau qui s'appelait Coworker. Si j'ai bien compris les paroles, je crois que c'est le chanteur dit qu'il était très amoureux de la fille avec qui il travaille. Mais bon, ils sont juste ils travaillent ensemble, c'est tout. Et on est très déçus. On peut pas tout faire. Hein. Non. Et le morceau est diffusé sous licence Creative Commons aussi, où on demande la paternité, pas d'utilisation commerciale, et eux par contre demandent à ce qu'il n'y ait pas d'autres versions de ce morceau-là qui soient faites, donc que le morceau ne soit pas retouché. Après, on va écouter là maintenant un dernier groupe rock avant de passer à la musique plus électronique et hip-hop. On a encore quelques perles à vous partager. Et là, on va passer le groupe Puercarama, que j'apprécie énormément, qui vient du Mexique, à Toluca, côté de Mexico. La chanson s'appelle Arrastresen Cerdos, se traîner les porcs, ça voudrait dire. On viendra pour vous partager les paroles après, et ça parle du travail, du pseudo-travail des élites. On y revient après, et c'est un groupe de punk très engagé, qui mélange punk, rock, ska et musique latine. Voilà, dans un mélange assez intéressant. C'est issu de leur album qui s'appelle Enfant Terrible en français, sorti en 2008. Entre los actos de tu vida. Voilà, c'était Puercarama de Toluca à côté de Mexico avec Arastrense Cerdos se traîner les porcs. Et ben eux, leur rapport au travail, c'est justement une critique. Les premières paroles sont si toi aussi tu aimes les femmes, l'argent, la luxure et les plaisirs, et que tu penses qu'il faut travailler pour les obtenir, honnêtement, tu te trompes complètement et on va casser ce mythe. Et après, ils nous parlent que au niveau du Mexique, d'avoir un titre universitaire, c'est dû à avoir une bourse, un subside du gouvernement et une légitimation du gouvernement et de la nation. De manière hypocrite, voire corrompue, et que, en fait, il ne sert pas de travailler. Et juste pour dire deux mots sur eux, leur rapport à la diffusion, donc le Creative Commons existe aussi là-bas, j'ai vu plusieurs groupes qui l'utilisaient, mais eux, ils ont créé un label et un collectif qui s'appelle Musica Manifesto, le manifeste de la musique, c'est une initiative coopérative pour le rythme populaire, c'est comme ça qu'ils la dénomment. Et en fait, eux, ils disent que c'est important, malgré qu'il y ait un droit de ce disque reconnu par la loi fédérale, qu'ils suggèrent la diffusion publique et l'autorisation de copies partielles, totales, en objectif de diffuser les idées politiques et réflexives de leurs paroles. Voilà. Et maintenant, ils ont un collectif avec plusieurs groupes. Voilà, donc pas de logo Creative Commons, mais une diffusion en tout cas libre, pareil, non commerciale, qui est sans restriction sur leur musique. Okay. On va la enchaîner sur des musiques électroniques là maintenant. Alors le premier, ça va être une toute petite virgule, un morceau d'une dizaine de secondes, d'un musicien serbe qui s'appelle Lezet et qui est dans la scène de musique avant-gardiste free jazz, mais qui utilise que des instruments électroniques, enfin, ou enregistrements d'instruments acoustiques, mais avec un traitement électronique. Le morceau s'appelle Gulliver's Travail, et après on va enchaîner avec deux morceaux qui font danser. C'est parti. Thank you. work it. Let's see you work it. Let's see you work it right. Let's see you work it. Let's see you work it. Let's see you work it. Let's see you work it now. Eh bien, il faut travailler pour gagner de l'argent. Vous ne voulez pas travailler. Non, monsieur, on ne veut pas travailler. Alors comment allez-vous faire pour payer l'essence ? Thank you. on écoutait Rocket Max. Rocket Max, donc un Canadien qui vient de Vancouver et qui fait donc du retro wave, donc qui participe à cette scène assez active là, de renouveau, revival de la scène synthétique des années début des années 80. Et c'était un morceau qui s'appelle Work It Out. Et avant, on a écouté un gars de Chicago, Professeur Click, qui s'appelle, et qui est avec un morceau d'électro-funk très efficace qui s'appelait Work at Night. Donc la thématique, on l'entend bien, est toujours celle du travail. Et entre les deux, on a pu entendre un extrait de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Et là, on va passer à une petite section hip-hop. Ça, on va finir avec du hip-hop. On est bientôt à la fin de cette émission autour du travail. Et donc, on vous propose d'écouter L'Inconsolable, un musicien de hip-hop de Paris, avec son double album L'Inconsolable et Payé à rien foutre. La chanson s'appelle Juste à cause du taf, et l'autre est un groupe de Grenoble qui s'appelle Faux départ, avec son album de la maturité sorti en 2010, et la chanson La lettre de non-motivation. Numéro 1. Chez Domino's Pizza, cela commence au sein de l'organisation. Chez nous, la satisfaction de la clientèle ne suffit pas. Domino's Pizza ne satisfait pas. Domino's Pizza enchante. Tout le mois, on a du taf, mais c'est pas celui qui fait baver. Les autres, c'est celui qui nous en fait baver. Deux, on a le chômage, mais c'est pas ça qui nous fait rêver. Ni être en charge des marges d'une entreprise privée. J'ai un budget, même si c'est pas celui de l'armée. 5. Et des projets, donc j'ai pas le temps pour travailler. Je suis né en France et y'a la CAF pour me payer, donc je laisse le taf à ceux qui ont tendance à s'ennuyer. 7. Ça les fait rire, pourtant je sens qu'ils sont blessés. Avec mes rimes, ils ne savent jamais sur quel pied bosser. 9. Et ils se demandent si c'est bien eux qui sont visés. Et si oui, si dire ça, ce n'est pas les mépriser. J'ai des messages que Michael Manpower m'a laissé. Pour me dire d'être sage, auquel cas on me reprendra à laisser. J'ai des dossiers sur lui et son agence. C'est le montant du salaire mensuel de n'importe lequel des ministres français. L'économie. Circulation sans partage des fonds. Chômage. Ascétique. Répression. Récession. Augmentation de la disproportion. Simulation du bonheur. Dans le poste de télévision, pas de quoi vivre dans l'allégresse. Pas de quoi rire dans la détresse. Chez la jeunesse, on manque de solutions. Paralysie et manque de temps. Sarkozy qui nous manque. Personne en qui croire durablement, magouille financière. Vulgaire boulot précaire, compte bancaire à découvert. Système bancaire par nous couvert. Incitation à la consommation, faut qu'on leur file du fric. Médias, vitrine publique de leurs opérations. TF1, on avoue le but, beaucoup de pubs, d'annonces qui passent. Patrick Lelay n'a pas de mal à se regarder dans une glace. Des raisons, les bêtises qu'on met dans nos têtes pour qu'on s'entête à prendre des crédits, pour qu'on s'endette. Le fisc qui baisse les taxes, les firmes qui baisent l'État, qui dresse le peuple, qui lui dicte ses besoins pour lui vendre une auto, un pavillon, lui montre de belles photos et lui font croire que son avoir suffira à pouvoir lui faire oublier tout ce qu'il a fait pour l'avoir. Tout ce qu'il a fait pour l'avoir. Le mal de vivre. Le mal de vivre. Le mal de vivre. C'est juste à cause du taf. Nous sommes le jeudi 26 février 1998. Il est exactement 14h50 et vous avez donné votre accord pour recevoir 10 livrets pas sur les juste. Au 3390, tu cesses rentrer en voie ainsi que tous vos cadeaux. Il manque deux petites secondes d'attention. Je vais vous marquer les résultats de la deuxième heure au tableau, d'accord? Donc, c'est une très très bonne heure. Je vous marque les résultats. Donc, les personnes sur le s'il vous plaît, regardez votre tableau. Vous avez fait la première heure du 3-3 de la journée. À la deuxième heure, vous avez fait du 4-53. C'est très merde pour vivre. Si tu taffes, je me tire. C'est juste à cause de ça. Ces gens qui refusent le travail, de qui parlez-vous? Oh, ben par exemple de ces jeunes, il y en a pas mal dans la nouvelle génération qui ne veulent pas travailler, pour une raison ou pour une autre. J'en connais pas beaucoup autour de moi et je pense pas que ça soit... C'est peut-être plus un problème d'éducation qu'un problème de volonté de pas travailler vraiment. Mm-hmm. Mais vous ne trouvez pas légitime qu'on puisse hésiter à aller occuper des emplois précaires notamment? Non, je pense que c'est un type de formation, c'est une expérience. Mm-hmm. Je crois que de plus en plus, il faut qu'on s'adapte à avoir un peu de flexibilité. La lettre que je n'ai jamais osé envoyer. Objet, réponse à l'offre d'emploi numéro 2483. Madame, monsieur, j'ai une bonne éduque, étude jusqu'à ce que j'abdique et fais partie des 3 millions de personnes inscrites aux ACEDIC. Mon CV est caduque, ma motivation épisodique, mais je cherche du taf de manière méthodique. C'est en feuilletant votre périodique que je suis tombé sur ce doc, cette offre d'emploi où postuler avant la date fatidique. Vous dirigez un journal rempli de pubs merdiques, Renault, Carrefour, L'Oréal, EDF ou Moby Dick. Vous cherchez un Tintin, la personne ad hoc, pour remplir baratin et article psalmodique. Le béaba de la com ratée qui n'a rien de véridique. Voici ma réponse avec phrasé râpé sous la forme d'un slam modique. Sans deck, pour vous écrire je m'applique et ne vais pas vous mentir dans mes répliques. Alors n'attendez pas que mon hypocrisie rapplique, car ici point de supplique ni d'autoportrait idyllique. Je ne me transformerai pas en plouc, les cheveux pleins de lac, et n'investirai pas de look à côté de ma plaque. La colique, en régnant maître, discours biblique et ventriloque, tenant sincèrement envie de devenir alcoolique, tout comme vos colonnes dépourvues de la moindre éthique, sans que cela soit imputable, hélas, à un fort degré éthylique. Et tac, je ne tilte pas l'intérêt de ces lignes plates, sans saveur, sans révolte, froide comme la mer Baltique. Je ne suis pas tenté pour faire du béni, oui, oui, même pas teinté. Et patati et patata, longueur d'article pathétique. Le réveil fait tic-tac, le facteur fait toc-toc. Tandis que vous, ne pas faire de bruit sans mettre votre unique tactique. Ne pas faire de vagues, surfer sur les sujets en vogue. La mode, les treks, paralysé par le trac. Ne jamais sortir de trucs dérangeants pour les puissants et leurs clics pénibles. Et je me demande si monsieur Lelay Patrick a déjà eu un cerveau disponible. Le mien n'est pas à vendre, trouvez d'autres cibles pour vos trocs. Alors, que faire? Remplir la rubrique des faits divers dans les pages de la PQR? Non, cimère. Je ne veux pas faire plaisir à des actionnaires aux manettes et subir la loi du costard et mallette. Plutôt que de gagner des sous avec des sujets niais sur la planète, je préfère m'intéresser au-dessous des affaires pas nettes. Pour avoir des bifetons, je suis prêt à faire des concessions. Mais je préfère éviter de cirer les peupons et de relayer les confessions de mailles dans système qui mériterait un bon coup de beubon. Alors vous trouverez d'autres personnes qui, de force ou de gré, arriveront devant votre bureau bien fringuées. Mais je ne vous demanderai pas d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. À l'instant, c'était le groupe de hip-hop Faux Départ de Grenoble. Et on vous avait pas passé, enfin je vous avais pas passé de musique de la compil Tania Solium que j'adore, mais eux sont. Il est édité quand même par Tania Solium, musique libre, production gratuite de différents groupes sous licence libre. Et donc c'est un hip-hopper que j'ai découvert il y a 4-5 ans dans une petite boutique de Grenoble. Et il a tout fait son travail à Grenoble, enregistré au 102, une scène de musique libre expérimentale autogérée à Grenoble, sérigraphiée à l'atelier de ce même lieu au 103 et mixée masterisée au 104 dans l'ordre. Voilà, donc faux départ, l'album de la maturité sorti en 2010 et vous avez entendu la chanson La non-lettre de motivation. Et quand même, il remercie parce qu'il a beaucoup d'inspiration musicale, Joe Dassin, Eric Satie et France Gall et La Rumeur et la BO de La Boom. Voilà, donc des influences très variées. Et juste avant, on revient, c'était L'Inconsolable, hip-hopper de Paris. Son double CD, L'Inconsolable est payé à rien foutre et L'Inconsolable est payé à foutre la merde, sorti en 2012 si je ne m'abuse, et on a fait notre travail d'investigation comme tout bon journaliste musicaux qui se doivent, parce qu'il a un logo qu'on n'avait jamais vu qui s'appelle PAIPS, propriétaire actuellement inconnu à la SACEM, et en cherchant il nous dit qu'on est obligé de mettre certaines choses sur un disque édité, entre autres le nom de l'album du musicien et ce logo qui est pour la plus grosse partie le logo SACEM. Et pour pas être déclaré à la SACEM, voilà, c'est possible d'inventer un logo. Et lui, il a mis ce PAI qui est propriétaire actuellement inconnu et pas punk autonome et indépendant, comme il nous dit. Mais voilà, en tout cas, il n'est pas déposé, il reçoit pas d'argent de la SACEM. C'est-à-dire qu'il s'est pas déclaré à la SDRM, c'est la société sur laquelle on dépose les titres et les noms des artistes. C'est la société de reproduction des droits mécaniques, voilà, qui est une sous-filiale de la SACEM, par laquelle il est obligatoire de passer si on veut presser un CD en France. Parce que si on fait presser dans un pays étranger, par exemple l'Espagne, on n'est pas obligé de déclarer à la SDRM et d'apposer un logo SACEM. Voilà, voilà. Et ben, on touche à la fin de cette émission comme une oreille sur les licences libres. On va vous laisser avec un dernier morceau d'un musicien qui s'appelle Yann Alex Mack, avec un musicien qui fait des musiques de films. Et un morceau qui s'appelle The Working Day, le jour de travail. Et on vous dit au mois prochain. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Zinzine, dès qu'elle sera mise en ligne, et sur le blog de Commune Oreille, donc c'est commune-oreille.blogspot.fr si je me souviens bien, dès qu'on aura mis en ligne aussi. Et sur ce blog-là, vous pourrez retrouver un lien vers tous les morceaux qu'on a diffusés. Et nous écouter tous les deuxièmes lundis du mois à 11h, rediffusion le dimanche qui suit à 20h. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc à très bientôt, on vous laisse avec The Working Day de Yann Alex Mack.